Nous connaissons la véritable liberté lorsque nous nous soumettons à Jésus-Christ, l'unique libérateur. Bonjour, les ministères en contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Est-ce que le salut est suffisant? Pourrait-on se demander? Nous savons tous que la Bible affirme clairement que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Cependant, la Bible enseigne aussi que Dieu désire notre amitié. Le jour de notre salut n'est que le début d'une relation et non la totalité des bénédictions que Dieu nous réserve. La vie chrétienne n'est pas simplement de savoir que le Seigneur Jésus nous a préparé une demeure au ciel, mais c'est aussi entretenir une relation d'amitié avec Dieu afin de le connaître davantage et de lui donner accès au moindre recoin de notre vie. Aujourd'hui, Charles Stanley nous entretiendra sur les responsabilités et les privilèges de marcher avec Dieu. Dieu veut tout notre cœur. Dieu veut que son Fils, Jésus-Christ, soit le Seigneur de notre vie et que nous marchions en conséquence. C'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas suffisant d'affirmer que nous avons été sauvés par la grâce de Dieu. En plus, Dieu désire que son Fils soit le Seigneur de notre vie, non seulement en théorie, mais aussi en pratique. Si l'Écriture enseigne que Jésus est Seigneur, alors il est juste de nous demander sur qui et sur quoi il règne. Nous disons que Jésus-Christ est notre Seigneur, mais sur qui et sur quoi ce Seigneur exerce-t-il son autorité? Ouvrez vos Bibles à l'Épître aux Colossiens chapitre 1, versets 15 à 18. Nous sommes devant un merveilleux passage qui traite de la question. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Jésus-Christ est donc le Seigneur de toute la création ou de l'univers. Il est l'être suprême qui exerce une suprématie absolue sur sa création. Rien ne se produit où que ce soit, quand que ce soit, sans être soumis à sa souveraineté. Il est le Seigneur de toute la création. Non seulement Jésus-Christ est-il le Créateur, mais toute chose continue d'exister par sa puissance infinie. Si le Seigneur Jésus cessait de soutenir cet univers, il s'effondrerait. Cependant, chaque objet céleste est à sa place et le Seigneur guide ses déplacements. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Jésus est le Seigneur de toute la création et de son Église. Il est facile de dire que Jésus est Seigneur, cependant, là n'est pas la question. Je dois me demander s'il règne dans notre vie. C'est à cette question qu'il faut en venir. Qui est aux commandes? C'est ce qu'il faut nous demander. Soit nous cherchons à conserver le contrôle de notre vie et à aller dans la direction qui nous semble la bonne, soit nous nous soumettons à Jésus-Christ. Il n'y a pas de troisième possibilité. Certains peuvent penser que Satan est une troisième possibilité, mais qui, croyez-vous, vous pousse à diriger vous-même votre vie? Qui est-ce, si ce n'est Satan? Cependant, c'est nous qui prenons la décision finale. Allons-nous vivre pour la gloire du Seigneur Jésus? Allons-nous lui permettre de diriger notre vie? Ou bien, est-ce que nous allons essayer de porter ce lourd fardeau nous-mêmes? Je crains que de nombreuses personnes ne sachent qu'elles sont sauvées, mais que personne ne leur ait dit que lorsqu'elles ont placé leur confiance en Jésus-Christ comme sauveur personnel, il est aussi venu afin d'être le Seigneur et le Maître de leur vie. Ces personnes ne perçoivent pas que Jésus est leur Seigneur. Pourtant, il est venu pour exercer sa souveraineté sur leur vie et les guider. Romains chapitre 10, verset 9 dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus ». Cependant, de nombreuses versions de la Bible traduisent ce verset avec une nuance différente. C'est le cas de la Bible en français courant. « Si, de ta bouche, tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur ». Le texte précise que confesser le Seigneur Jésus, c'est reconnaître que Jésus est le Seigneur. Notez que le texte ne dit pas que Jésus est le Sauveur. Je ne veux pas nier l'importance de ce rôle, mais le texte dit que c'est comme Seigneur que nous confessons Jésus-Christ. Parce que je reconnais que Jésus-Christ est Dieu, je reconnais aussi qu'il est souverain sur ma vie. Il en est donc le Seigneur. Jésus-Christ est le roi, le patron et l'autorité suprême dans ma vie. Ce n'est plus à moi de tout diriger, mais c'est à lui de me guider et d'orienter la direction de ma vie. Dans l'Épître aux Colossiens, l'apôtre Paul précise ce point. Examinons Colossiens chapitre 2, verset 6. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie ce que ça dit. Si vous recevez Christ, Jésus, comme Seigneur, marchez sous sa direction. Marchez comme s'il est votre Seigneur. Reconnaissez que c'est lui qui dirige votre vie dans votre marche quotidienne. Reconnaissez qu'il est votre Seigneur et votre Maître. Réfléchissez à cette question pendant un moment. Si Jésus-Christ n'est pas le Seigneur, alors il n'est pas Dieu. Et si Jésus-Christ n'est pas Dieu, alors l'offre de salut qui nous est faite n'est qu'une fraude monumentale. En effet, seul Dieu peut pardonner les péchés. Seulement Dieu peut réconcilier les hommes et les femmes avec lui. Nous ne pouvons pas initier une telle démarche. Nous ne pouvons pas payer la peine pour nos propres péchés, car cette peine est la condamnation éternelle. Jésus est donc venu comme le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Sauveur, le Seigneur et le Maître. Pourquoi a-t-il fait tout cela? Il n'est pas venu uniquement pour pardonner nos péchés. Le jour où il nous a sauvés, il savait que nous serions totalement incapables de marcher chrétiennement. Combien d'entre nous peuvent prétendre qu'ils savent exactement comment marcher dans les voies de Dieu? Combien d'entre nous le font quotidiennement d'une manière fantastique, merveilleuse, victorieuse et triomphante? Il arrive souvent que nous échouions et que nous péchions contre Dieu. Nous pensons, « Seigneur, que se passe-t-il ? » Cela nous arrive à tous. Nous avons besoin d'apprendre à marcher sous la direction du Seigneur Jésus, en lui étant entièrement soumis. Comment est-ce que nous nous transformons à l'image de Jésus-Christ ? Admettons que nous savons ce qu'est l'obéissance à Dieu, l'obéissance qui vient du cœur. Nous lui sommes donc obéissants et nous nous soumettons à lui. Cependant, de temps à autre, nous trébuchons. Après notre chute, nous nous agenouillons et nous disons « Oh Dieu, regarde ce que j'ai fait. J'ai échoué encore une fois. Je te demande de pardonner mes péchés. » Nous confessons notre péché, nous nous relevons et nous continuons notre marche chrétienne parce que Jésus est notre Seigneur et que nous nous sommes engagés à le suivre. Nous allons trébucher et faire des erreurs. Nous allons subir des échecs. Cependant, il ne faut pas oublier que Dieu manifeste sa grâce envers des gens imparfaits. Ne l'oublions jamais. La prochaine fois que vous vous sentirez coupable et déprimé à cause d'une chute parce que votre marche chrétienne n'est pas ce que vous pensez qu'elle devrait être, posez-vous une question. Envers qui est-ce que Dieu manifeste sa grâce? Envers des pécheurs perdus et des chrétiens imparfaits. Mes amis, nous sommes tous des saints imparfaits. Personne n'atteint la perfection sur cette terre. Voici ce qui se produit souvent lorsqu'un chrétien tombe. Il prie et dit, « Seigneur, j'ai encore cédé au même péché, et je te demande de me pardonner. » Ensuite, plutôt que de reconnaître qu'il est un enfant de Dieu, il se laisse aller à la déprime, et le diable lui dit, « Regarde ça, tu as été incapable de tenir le coup sans péché. » Tu es incapable de marcher chrétiennement. Tu as encore refait le même vieux péché. Tu as encore échoué. » Alors, le chrétien s'apitoie sur son sort. « Je fais pitié. Je suis incapable de marcher dans la piété et la sainteté. » Il se complaît dans des sentiments de culpabilité et s'apitoie sur son sort. Comment est-ce que Dieu réagit lorsque nous tombons? Nous sommes sauvés. Soit tôt dans la vie, soit plus tard, et on nous dit que maintenant que nos péchés sont pardonnés, nous devons nous soumettre à Jésus-Christ. Je dois donc me soumettre à l'autorité d'une personne que je ne peux pas voir, et cette personne a toute autorité. J'ai un livre d'instruction, la Bible, mais parfois j'éprouve de la difficulté à le comprendre. Il arrive donc que je me décourage et que je pense. Qu'est-ce que ce passage signifie? Je ne comprendrai jamais toute la Bible. Permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que Dieu dit que nous devrions avoir honte? Est-ce que nous comprenons l'amour et la patience de Dieu? Pensez combien il a été patient avec nous tous. Nous avons débuté comme un enfant. Nous ne savions rien. Nous ne savions rien au sujet de la Bible. Personne ne nous a dit que Jésus était un Seigneur et que nous devions nous soumettre à lui et accomplir sa volonté. Nous avons tous débuté dans la vie chrétienne comme des petits-enfants. On m'a remis un livre, épais, appelé la Bible, et je dois apprendre à marcher dans la volonté de Dieu. Je trouve cela très décourageant. N'est-ce pas souvent votre expérience? C'est là que la grâce de Dieu entre en jeu. Il sait que nous débutons à zéro et que nous allons trébucher en route. Nous allons faire des erreurs. Nous allons commettre des péchés contre Dieu. Nous comprenons mal certains aspects de la vérité. Nous savons que certaines choses sont mauvaises, tandis que d'autres sont bonnes. Nous hésitons au sujet de quelques-unes. Cependant, nous ne savons pas encore comment nous appuyer sur l'Esprit de Dieu, sans lequel nous n'avons pas de puissance. Qu'est-ce que c'est que d'être transformé à l'image du Seigneur Jésus? En fait, c'est apprendre à marcher avec Dieu quotidiennement et me soumettre à lui dans toutes les décisions que je prends. En fait, la marche chrétienne est une suite de décisions. Voici la chose tragique que nous faisons trop souvent. De nombreux chrétiens sont sauvés par la grâce de Dieu, leur nom est écrit dans le livre de vie et ils prennent continuellement des décisions comme nous le faisons tous. Ils prennent des décisions peu importantes alors que d'autres sont majeures. Cependant, ils ne se rendent pas compte que toutes leurs décisions doivent être examinées à la lumière de la pensée du Seigneur Jésus. Toutes leurs décisions doivent être conformes à la volonté du Seigneur Jésus. Les chrétiens prennent souvent des décisions sans consulter Dieu, sans tenir compte de sa volonté. Cela leur attire des problèmes. Affirmer que nous suivons Jésus-Christ est une chose. Cependant, qu'est-ce que cela signifie exactement? C'est simplement nous soumettre à sa volonté. Il est notre Seigneur, il est le Maître. Être sous l'autorité du Seigneur Jésus n'est pas facultatif. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, nous recevons un sauveur et un Seigneur. Il est impossible que cela en soit autrement. Nous ne pouvons pas dire que, maintenant que nous sommes sauvés et que la condamnation éternelle ne pèse plus sur nous, nous allons simplement avoir du plaisir. Puisque Jésus est notre Seigneur, nous ne pourrons pas faire cela. En effet, le Saint-Esprit nous en empêchera. Certaines personnes peuvent être hypocrites et vivre dans le péché après avoir été sauvées. Elles vous diront que tout va bien. Cependant, si vous désobéissez à Dieu, tout ne va pas bien. Le Saint-Esprit interviendra pour les convaincre de péché. Plusieurs chrétiens ne consultent jamais Dieu au sujet de la personne qu'ils épouseront. Ils ne prient pas lorsqu'ils achètent une automobile, une maison ou du linge. Ils ne consultent pas Dieu au sujet de leurs études et de leur choix de carrière. Ils prennent simplement les décisions. Ils disent « Eh bien, je suis sauvé, mais c'est à moi de décider ce que je vais faire. » Être sous l'autorité du Seigneur Jésus, c'est lui soumettre toutes les décisions qui devront être prises selon sa volonté et sa sagesse, sous son contrôle et par la puissance de son esprit. C'est cela, voir Jésus comme Seigneur, et ce n'est pas facultatif. Nous n'avons pas un méchant Dieu qui veut nous priver de plaisir et du succès dans la vie. Dieu est amour, et à cause de son amour infini, il veut ce qui est le meilleur pour nous. Dieu a dit, « Je vais envoyer mon Fils pour vous sauver. Je vais régler la question de votre péché. Cependant, vous serez incapable de marcher dans mes voies. Voici ce que je vais faire, parce que je vous aime d'un amour infini. Je vais vous envoyer mon Esprit Saint. et il habitera en vous le reste de votre vie. Il vous donnera la puissance nécessaire pour marcher dans la piété et la sainteté, ce que vous êtes incapable de faire par vos propres forces. Lorsque vous aurez à prendre une décision, l'Esprit vous fera réfléchir. Est-ce la volonté de Dieu? Est-ce que le Seigneur veut que je fasse cela? Quelle est la meilleure chose à faire selon Dieu? Dieu sait toujours ce qui est le mieux pour nous et il veut nous l'obtenir. Le péché est donc un signe de rébellion contre l'autorité du Seigneur Jésus dans ma vie. Le péché, c'est s'opposer à ce que Jésus soit Dieu. Le péché, c'est la rébellion contre toute autorité divine dans ma vie. Lorsque nous nous rebellons contre Dieu, en fait, nous lui disons, « Dieu, je ne veux pas que tu te mêles de cette décision que je dois prendre. Je veux me débrouiller seul. » Péché, c'est dire à Dieu, « Seigneur, ne te mêle pas de cette affaire. C'est ma décision. Cela ne te regarde pas. » Chaque fois que nous ne tenons pas compte de la volonté de Dieu dans ce que nous entreprenons, nous nous attirons des ennuis. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 2, l'apôtre Paul dit « Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. » Bien entendu, le train de ce monde est l'esprit de ce monde. Quel est l'esprit de ce monde? C'est l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Cet esprit dit « Fais ce que tu veux. » Cela semble bien, fais-le. Si tu désires le faire, vas-y et fais-le. Nous vivons dans un temps qui préconise l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Ne nous parle pas de Dieu. Ne nous dérange pas avec tes histoires de la Bible. Nous préférons notre liberté. Les gens ne se rendent pas compte qu'en parlant ainsi, ils choisissent l'esclavage. Nous découvrons la seule liberté véritable et durable lorsque nous nous soumettons à Jésus-Christ et que nous lui permettons de diriger notre vie. Il est l'unique libérateur. Nous n'en trouverons pas un autre. S'appuyer sur quelqu'un ou quelque chose d'autre nous attirera des ennuis. Nous devons nous demander si Jésus-Christ est notre Seigneur ou non. Le consultons-nous au sujet de notre tenue vestimentaire? Le consultez-vous au sujet des endroits où vous allez et au sujet de ce que vous achetez? Le consultez-vous au sujet de la gestion de vos finances? Lui demandez-vous son aide à organiser votre journée et vos tâches quotidiennes? Ou bien, ne faites-vous que butiner d'une chose à l'autre, sans organisation, tout en étant un mauvais exemple? Vous vous demandez peut-être si Dieu s'intéresse vraiment à tous ces détails? Il s'intéresse à tout ce qui nous concerne, et ce, dans les moindres choses, parce qu'il est notre Seigneur et notre Maître. Nous sommes ses enfants et ses serviteurs. Chaque croyant, pas seulement les pasteurs, est un serviteur de Dieu. Vous dites à Dieu de se mêler de ses affaires lorsque Dieu vous demande d'enseigner une classe de l'école du dimanche et que vous lui répondez « Eh bien, Seigneur, laisse-moi t'expliquer une chose. » Dieu peut nous demander de contribuer davantage aux finances de l'Église, de réviser notre agenda pour y inclure une activité telle qu'enseigner ou aller en mission. Nous rejetons la volonté de Dieu lorsque nous nous trouvons des excuses pour ne pas obéir. Nous pouvons refuser de modifier nos projets d'études ou nos plans de carrière lorsque Dieu nous demande de le faire. Cependant, qu'arrive-t-il lorsque nous sommes malades et que les médecins ne comprennent pas ce qui ne va pas en nous? Est-ce que vous dites à Dieu de ne pas se préoccuper de votre santé? En fait, nous voulons décider quand Dieu peut diriger notre vie et quand nous voulons qu'il ne s'en mêle pas. Mes amis, ce n'est pas ainsi que Jésus veut que cela se passe. Il est le Seigneur. Il est le Maître de nos vies. Je dois vivre selon la volonté de Dieu. Il se peut que je ne comprenne pas toujours la volonté et les buts de Dieu. Je vais donc faire des erreurs, mais c'est là que la grâce de Dieu entre en jeu. Si nous avons dit au Seigneur Jésus que nous savons qu'il règne, que nous désirons accomplir sa volonté et que nous lui demandons de nous diriger en toutes choses, Dieu entend une telle prière et il en tient compte. Si nous commettons une erreur, chose toujours possible, si nous prenons le mauvais virage, si nous marchons selon la chair, que fait Dieu? Il fait tout ce qui est nécessaire pour nous remettre sur la bonne voie et nous remettre en marche parce qu'il sait que, dans notre cœur, nous désirons le servir. Y a-t-il un moment dans votre vie où vous avez reconnu que Jésus est le Seigneur? Je ne vous demande pas si vous croyez qu'il est le Seigneur dont parle la Bible, mais je vous demande si vous vous êtes rendu compte qu'il est votre Seigneur personnel et que vous lui avez demandé de diriger votre vie. Lui avez-vous dit quelque chose à cet effet? Seigneur, je reconnais que tu es mon Seigneur. Tu as l'autorité légitime et la puissance nécessaire pour être le Seigneur et le Maître de ma vie. Je désire ce que tu désires, et ta volonté est la mienne. Si je ne veux pas la même chose que toi, change mon désir égoïste, afin qu'il devienne conforme à ta volonté. Travaille en moi, afin que ta volonté soit aussi la mienne. Lorsque je trébuche, montre-moi mon erreur, parce que mon cœur désire t'obéir avant toute chose. Mes amis, faire la volonté de Dieu ne remplace pas le salut, mais l'un est aussi important que l'autre dans la pensée de Dieu. En effet, il ne se contente pas du fait que nous soyons sauvés. Il faut que nous soyons transformés à l'image de son Fils. C'est quelque chose que Dieu veut faire avec nous. Cette transformation se résume à apprendre à marcher en étant soumis à la volonté et aux voies de Dieu. Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour nous parce qu'il nous aime. Avoir Jésus comme Seigneur consiste à faire sa volonté. Permettez-moi de vous poser une question. Lors du message d'aujourd'hui, Dieu vous a-t-il fait penser à un point au sujet duquel vous luttez, au sujet duquel vous lui résistez? Se peut-il que vous refusiez à Dieu le contrôle sur quelque chose dans votre vie? Si vous pouvez répondre non, Jésus est le Seigneur de votre vie. Vous vous épargnerez beaucoup de tribulations et beaucoup de souffrances et de peines si vous cédez tôt le contrôle de votre vie au Seigneur Jésus. Beaucoup d'entre nous, au moment de notre salut, n'ont pas reçu d'enseignement au sujet du fait que Jésus est le Seigneur de l'univers et qu'il est notre Seigneur. Le Seigneur contrôle-t-il entièrement vos finances? Le Seigneur a le droit de me dire comment gérer mes finances et je dois lui obéir lorsqu'il parle. Le Seigneur a-t-il le contrôle complet de mon emploi? Est-ce qu'il y a des choses au sujet de ma santé ou de mon emploi du temps que je refuse de remettre entre les mains du Seigneur? Tout ce que nous refusons de soumettre au contrôle de Dieu est une forme de rébellion et la rébellion est un péché. Les gens n'aiment plus entendre le mot péché, mais toute désobéissance à Dieu est un péché. Nous ne pouvons pas avoir la foi sans avoir la repentance. Lorsqu'il est question de salut, les deux sont inséparables. Avoir la foi, c'est faire confiance à Dieu. Si vous faites confiance à Dieu, vous êtes disposé à ce qu'il fasse le travail nécessaire dans votre cœur et dans votre vie. Nous ne nous réformons pas pour être sauvés ensuite. Le nettoyage et la repentance dans notre vie se font parce que nous avons fait confiance à Jésus-Christ et que nous croyons ce qu'il dit. Nous ne voulons plus ce qui nous attire des ennuis. Nous ne pouvons pas être sauvés sans la foi et la repentance. La repentance est un changement d'idée et d'attitude qui résulte du fait que j'ai placé ma confiance en Jésus-Christ. Considérons le Seigneur Jésus, notre Sauveur. Peut-on le recevoir comme sauveur sans qu'il devienne aussi notre Seigneur? Impossible. Si vous recevez le Seigneur Jésus, vous accueillez un sauveur et un Seigneur. Vous ne comprenez peut-être pas, mais c'est ainsi que les choses se passent. Jésus ne vient pas simplement pardonner vos péchés afin que vous n'alliez pas en enfer. Jésus vient nous sauver de nos péchés et nous libérer de la puissance du péché. Il fait cela afin que nous soyons transformés à son image. Permettez-moi de vous poser une question. Pourquoi certains d'entre vous sont-ils chrétiens depuis 30 ou 40 ans et ne semblent pas être plus avancés qu'au début de leur vie chrétienne? Je pense qu'il en est ainsi parce qu'à un certain point dans leur vie, ils ont dit non au Seigneur Jésus. Ils ont refusé de se soumettre au Seigneur au sujet d'une chose. Et c'est à ce moment-là que leur marche chrétienne s'est enlisée. Ils ont cessé de croître spirituellement. Leur croissance reprendra quand ils seront disposés à dire oui au Seigneur Jésus. Ne croyez pas que Dieu va vous donner une meilleure compréhension de l'Écriture, une meilleure connaissance et continuer à approfondir votre relation intime et personnelle avec lui si vous avez refusé de vous soumettre au Seigneur et Maître de votre vie. Certaines personnes s'opposent peut-être à ce point de vue, mais si elles examinaient leur vie, elles verraient que c'est vrai. Lorsque vous dites non au Seigneur Jésus, vous lui dites que cela suffit, que vous en avez assez de lui. Je ne crois pas qu'une personne saine d'esprit dirait qu'elle ne veut pas en connaître davantage au sujet de Jésus et qu'elle est satisfaite de ce qu'elle a déjà appris. Si vous avez le même Jésus que moi, vous désirez toujours le connaître davantage, et je parle d'une connaissance intime et personnelle, non d'une connaissance intellectuelle. Il en est ainsi parce qu'il est infiniment merveilleux et majestueux. Nous ne pouvons jamais tout savoir à son sujet. Votre choix est simple. Ou bien le Seigneur dirige votre vie, ou bien vous provoquez bien des dégâts en la dirigeant vous-même. C'est à vous de prendre cette décision. Charles Stanley nous l'a rappelé dans l'émission d'aujourd'hui, le jour de notre salut, c'est-à-dire le jour où nous acceptons Jésus comme le Seigneur de notre vie, est le début d'un merveilleux pèlerinage. En effet, lorsque nous faisons la prière de repentance et que nous proclamons à Dieu que nous acceptons le sacrifice de son Fils comme expiation pour nos péchés, nous reconnaissons qu'il devient le maître de notre vie. Nous nous soumettons à lui. Commencez alors une relation intime et personnelle avec le Seigneur, une relation qui s'approfondira toute votre vie si vous décidez de marcher continuellement avec lui. Examinez si votre relation avec votre Sauveur progresse. Vous avez faim? Vous avez soif? Votre estomac est vide? Votre cœur aussi? Les déjeuners de l'espoir peuvent remplir l'un comme l'autre. Un repas délicieux vous sera servi. Ensuite, vous pourrez entendre comment Jésus a transformé la vie d'une personne qui demeure près de chez vous. Peut-être est-ce un voisin, un ami ou un parent. Venez voir. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en contact et une production de Radio Espoir.